sont Audi. Pour moi c'est un pur kiff, tu sais de quoi il s'agit. Le thème c'est la réussite, mon envie c'est pas s'agit. En moi la confiance ressuscite, j'imagine tous les soucis. Pas partir en fumée, j'ai la rage de m'en sortir et vivre ce que le bonheur suscite. Pas voué à l'échec, car dans le rap je suis doué. Je t'avouerai plus de souhaits, ce serait mon souhait. J'ai le son dans le sang, pour me stopper faudra me tuer. 8-9 sans toujours opé, de rage je suis constitué. On lâchera pas le morceau, même sous le coup d'une morsure. On s'efforce de s'accrocher, même quand les temps sont durs. On n'est pas prêt de plier, on n'est pas là pour se faire piller. Des CLI, CKB, des LKN pour briller. On a la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, la rage de réussir, la rage de m'en sortir. À 17 piges sur mon street album, je transpire la thèse comme repère. Même ma mère en a peur, frère je réussirai. Il n'est pas question de fuir, peu importe les efforts, peu importe ce qu'il faut faire. J'assure la relève comme dit Apple, ça full fire. J'suis là pour te satisfaire, même si tu viens d'ailleurs. Sur ce sont les faux chantailles, mec j'suis pas prêt de tailler. J'ai la rage de réussir pour un jour dire ça y est. Pour l'instant faut pas tailler, et ça sans faire de détails. T'inquiète je suis dans les temps, t'inquiète je mets bien le ton. Ici on nique la chemiture et l'heure, putain de don. J'ai la rage de réussir, la rage de m'en sortir. Et ne pas voir mon scud finir dans les ordures. Des masses à posture chez moi, pas d'imposture. Dans une ambiance austère, j'suis hostile sur le terre-terre. On a la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, on rappe, nous on rappe, nous t'as vu c'est ce qu'on fait de mieux. On crame tout au mic, on fait des envieux. T'en veux du bon son, viens lâcher nos pensées. On est censé, et pas là pour se faire enfoncer. J'ai la rage de réussir, la rage de m'en sortir. 8-9 sans son terre-terre et puis dans les affaires. La rage de réussir, la rage de s'en sortir. DLK et KB, on explose, qu'est-ce tu veux faire. Mon son cause des fractures dans un style réfractaire. Des brouillards de nature avec la rage de réussir. J'ai la rage de m'en sortir, stopper ceux qui veulent me nuire. Ce qui me tue pas me rend plus fort, et pour moi tout reste à faire. On a la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Ici avant de partir, laisser nos traces sur cette terre. Te dire que nos soucis s'enterrent, ça serait te mentir, même si les portes sont méfaites. Nique sa mère, on fera le tour. On a la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh, la rage de réussir, la rage de s'en sortir. Pas là pour se travestir, juste là pour s'investir. Oh.